Leçon 3. Document 1, page 38. Oh Léa, je suis fatiguée. On s'arrête. Si tu veux. Comment tu fais pour être en forme comme ça? Ben, je fais du sport, je mange assez, mais je ne mange pas trop. Et je me couche tôt. Moi, je voudrais maigrir un peu, mais c'est difficile. Fais quelque chose. Cours un peu, nage, fais de la gymnastique. Oh, c'est fatigant. Et puis, j'ai toujours faim. Fais attention. Ne va pas au restaurant, bois beaucoup, de l'eau bien sûr, et mange des légumes. Et puis, j'adore les gâteaux. Ne rentre pas dans les pâtisseries, ne regarde pas les gâteaux et achète des fruits. Et le soir, dans les discothèques, qu'est-ce que je peux boire, hein? Ah, ne bois pas d'alcool. Et puis, ne sors pas trop le soir et va au lit plus tôt. Oh, finalement, je préfère être grosse.